Donc alors, été comme hiver, il nous arrive toujours quelques petits ennuis de santé. Plutôt que d'aller chez le médecin, écouter nos chansons, c'est beaucoup plus radical. On l'espère. Et donc voilà, une chanson sur la gastro, ce mal qui touche des millions de Français chaque année. Et les cuvettes de leur WC. J'ai envie de faire caca, et j'ai la gorge qui m'irrite, y'a pas de doute sur ça. J'ai la gastro-entérite, je sors plus de chez moi, penché sur la cuvette de la sueur plein les draps. Et jamais ça s'arrête, gastro, c'est trop. Je veux guérir pour aller au bistroblot. Gastro, c'est trop. Je veux guérir pour aller au bistroblot. Gastro. J'en ai plein le larynx, c'est un vrai cauchemar. C'est pas des loups ni des lynx, mais des belles peaux de renard. Je me sens pas très bien, je tape même plus sur mes gamins. Et si j'attends le médecin, je serai peut-être mort demain. Gastro, c'est trop. Je veux guérir pour aller au bistroblot. Gastro, c'est trop. Je veux guérir pour aller au bistroblot. Gastro. Enfin bon, j'arrête de plaindre, y'a rien à dire, j'suis peinard. J'ai tout mon temps pour peindre et mater la télé au plumard. Gastro, c'est trop. J'préfère crever que d'aller au boulot. Gastro, c'est trop. J'préfère crever que d'aller au boulot. Gastro. Merci. Bah alors, une chanson qui risque de me concerner si je continue à boire du rhum. Putain, notre surfeur californien vient de nous quitter. Reviens, on comptait sur toi pour les filles. Reviens, reviens. Reviens, c'est bien. Voilà. Alors une chanson qui s'appelle groupe thérapie, pardon. Et... Le rhum, c'est traite, putain, merde.